Le Bocon, la chronique beauté de Radio Boncon. En confinement, retrouvons ensemble le temps de prendre soin de nous. La chronique beauté de Radio Boncon. Finalement, est-ce qu'on va pas tous passer le reste de notre vie avec nous-mêmes ? Et bonjour à tous, vous êtes sur la radio des Boncons, vous êtes avec Louison pour écouter la chronique du Bocon. Et vous avez peut-être remarqué mon absence hier, ou pas d'ailleurs, pardon, je suis complètement égocentrée. Mais je suis de retour donc aujourd'hui, plus en forme que jamais, pour vous parler d'un sujet très sérieux, puisque nous allons parler de boutons. Alors voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un peu de face mapping. Alors qu'est-ce que c'est le face mapping, me direz-vous ? Eh bien, chers amis aficionados de l'acné léger, le face mapping est pour vous. Puisqu'il s'agit d'interpréter la cause de nos petites éruptions cutanées selon leur emplacement. Voilà, chaque zone de notre visage est reliée à un organe, et en général, quand ça bourgeonne sur une partie spécifique de notre dit visage, ça veut souvent dire qu'on maltraite un peu cet organe. Donc voilà, on va voir ensemble comment adapter notre hygiène de vie afin de retrouver un teint et une peau de bébé. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire le visage de haut en bas. On va donc commencer par le front. Et alors, les boutons sur le front, qu'est-ce que ça veut dire, mesdames, messieurs ? Ça veut dire qu'il serait peut-être temps de songer à arrêter de s'empiffrer de burgers supplément cheddar double bacon, de pizza à 150 fromages et de mettre plus de Nutella sur la crêpe que de crêpe sur le Nutella. Donc, vous m'avez comprise, hein, ça veut donc dire que votre système digestif est en overdose de gras. Voilà, et il s'agirait de le soulager. La deuxième piste qu'on peut explorer quand on a des boutons sur le front, surtout en cette période de cure de sébum général, hein, c'est la frange, mesdames et messieurs d'ailleurs, pourquoi pas. Peut-être que votre épiderme n'arrive tout simplement plus à respirer sous ce rideau de cheveux. Voilà. Alors, en dessous le front, on a les sourcils et on va parler des boutons entre les sourcils. Alors oui, justement, on va en parler. Est-ce qu'on n'aurait pas là une petite tendance à boire un peu plus que de raison, hein ? En effet, c'est bien le foie qui s'exprime là à travers les boutons entre les sourcils. Donc il faudrait peut-être songer à commander des panachés, hein, à défaut d'être psychologiquement prêt pour les soirées au jus d'abricot. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est de faire un petit nettoyage de foie. Alors, comment est-ce qu'on peut nettoyer son foie ? Il y a des aliments qui font ça très bien. Les radis, par exemple, les artichauts, ou encore le jus de bouleau. Incroyable. Alors, après les sourcils, on va vous parler du nez, pourquoi pas, hein ? Alors, les boutons sur le nez sont souvent associés à un taux de cholestérol un peu trop élevé. Alors là, il va falloir faire attention à votre alimentation, hein, et surtout à la consommation des mauvaises graisses. Et puis mettez-vous à l'exercice. Ouais, ça vous ferait pas de mal. Donc ensuite, on va voir les boutons sur les joues. Alors là, amis fumeurs, amis fumeuses, je suis désolée, c'est nous qu'on va parler. Alors évidemment, on fait attention, hein, au nombre de clopes qu'on fume par jour. Et puis si toutefois, c'est pas dans nos projets d'arrêter, on va essayer de donner au moins une petite respiration à nos poumons, hein. Prenez l'air, sortez pas tout de suite, mais bon, ouvrez la fenêtre, voilà, ça pourrait aider un petit peu. Et puis écoutez, sinon tant pis, hein, j'ai l'impression qu'il faut faire des choix dans la vie. Voilà, et puis si vous n'êtes pas fumeur et puis que vous avez quand même des boutons sur la joue, vous êtes peut-être partie de ce genre de personne qui a tendance à passer des heures accrochées à son GSM. Alors, continuez, hein, il n'y a pas de problème, mais il s'agirait peut-être de penser à le nettoyer de temps en temps, ce GSM. Voilà. On arrive au bas du visage, donc on va parler du menton. Et le menton, qu'est-ce que ça veut dire ? Les boutons sur le menton, ça veut dire que vos intestins sont en colère. Alors une petite détox, ça fera pas de mal, et ce que je peux vous proposer, la détox la plus accessible à tous, c'est quand même le thé vert. C'est un très bon détoxifiant, alors on y va, on fait chauffer la bouilloire et c'est parti. À côté du menton, ce qu'on a, c'est les maxillaires. Alors là, déso pas déso, mesdames, c'est apparemment l'endroit préféré de nos boutons hormonaux. Bon alors là, à part de la patience, j'ai pas grand chose à vous conseiller, hein, mais ça devrait disparaître une fois que cette période du mois riche en émotions sera passée. Voilà. Le dernier endroit du visage dont je voulais vous parler, c'est les boutons sur les tempes. Alors là, en général, ça veut dire que vous ne buvez pas d'eau, messieurs, dames. Alors hydratez-vous, hein, l'eau c'est super bon, moi perso j'adore. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, de toute façon. Pour rappel, 1,5 litre par jour, grand minimum, et la l'Aïsti ne compte pas, le coca non plus d'ailleurs. Voilà, et il me semble qu'on a bien ratissé toutes les zones du visage. Évidemment, ce sont que des pistes de réflexion à explorer, hein. C'est pas sûr que les résultats soient probants à 100%. J'en profite pour vous faire un dernier appel avant de nous quitter. Le tea tree, l'acide salicylique ou encore le citron sont de très bons remèdes naturels pour lutter contre les boutons, mais attention à ne pas les combiner avec une exposition au soleil, vous pourriez vous retrouver avec des taches sur le visage. Voilà, c'était tout pour moi. Gros bisous et à bientôt. Ciao. C'était le beau con pour la radio des bons cons, la chronique beauté avec Louison. Ça fait beaucoup de honte, ça, quand même.